بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسألكم عن كلمة، ما معنى مينا؟ وما هو الجمع؟ مواني. عاصمة، كابيتال. أشكال، فرق. أحجام، أحجام سي لا تايل. نعم، ما هو المفرد؟ أحجام الأحجام، ما هو المفرد؟ ذكرناه نحن ولدي. نسيت. عندك؟ حجم. نعم حجم. حجم. بضائع. Les produits, les marchandises. Ma ou mufrad. Bida. Dakhma. Dakhma. نفط. البترول. وجدته إذا النفط. الفتحة. القابوس وجدته. قال نفط. الحمد لله. يذكر الله ويصلح بالكم. ناقلة. ناقلة. ترانسبورت. ترانسبورت. سفينة. باتو. ما هو الجمع؟ سفن. ممتعة. أجاب. أيضا مختلف. ديفيرون. حمل يحمل. ترانسبورتي. نظر ينظر. Regardez, observez. Iqama. Résident. Oui. Quel est le lion? Je t'ai un couteau. Personne. Akada. يعني هذا أكبر من هذا. نعم ثالث. ما في ثاني قبل؟ نعم ثاني في. على فصل؟ في الدرس. طيب. ثالث. نعم. الجملة الأولى. الباب أكبر من النافذة. نعم. تحت. هو رجل. رجل. ثاني. C'est à côté. En bas ou à côté. En deux. Alma Cardo, Asra Lominal, Kursi. Par où est le Makad? Makad, ça c'est un séjour. Séjour? Moi j'ai trouvé ça dans le Là, Makad, c'est un siège. C'est un louche, t'as fait. Ah ouais? Ouais. Je ne sais pas, le séjour, je ne sais plus. Le cadre, il y a qui veut dire s'asseoir aussi. Adorjo, Anzafu, Minas Saboura. Non. Maman Saboura. Le tableau. Non. Rabian. Al-Madarabou, Al-Madarabou, Minas Saboura. Non. Khamisan. الكتابة أصعب من القراءة. القراءة أسهل من الكتابة. طيب أصل كله. ثم الخامس هكذا. أكمل كمثل النموذج يعني. عليكم أن تملئوا الفراغات وبعدهم. أولا. نعم. هذا المنزل من أبعاد المنازل. نعم. هذا المجلس من أمتع المجالس. هذا الملعب من أصغر الملاعب. نعم. هذا المكتب من أوسع المكاتب. هذا المسكن من أفضل المساكن. هذا المعهد من أقدم المعاهد. هذا المطعم من أقرب المطاعم. طيب. الآن عليكم أن تأتوا بصيغة التعجب. يفهمني عليك لفهم الإسلامات. طيب الجملة الأولى. ما أكبر هذه الناقلة؟ نعم. ثانيا. ما أصغر هذا الميناء. نعم. ما أمتع هذه الرحلة؟ ما أنظف هذا المجلس؟ ما أثقل هذه الحقيبة؟ ما أجمل هذا المكان؟ ما أوسع هذه المسافة؟ أسرع هذه الدراجة. هذه الدراجة. نعم. طيب. هذا مفهوم. ثامنا. الجملة الأولى. تقف السفن. لا. تقف السفن في الميناء وهي مختلفة. وهي مختلفة الأشكال والأحجام. والأحجام. نعم صحيح. بعض السفن تحمل مفتاح. نعم. وبعضها تحمل بضائع. نعم. ثالثا. هذه ناقلة تنقل مجرم نفط إلى ركاب. Non, parce qu'en fait, dans la phrase d'avant, vous pouvez mettre au lift ou au rocad. Il faut en mettre au rocad, mais à la base, c'était pas faux. Donc. Mais là, ouais, là, t'es obligé de mettre. ناقلة اسم فاعل يعني سي كارغو كي ترانسبورت وا مي تنكيلو اون ا با فيو سا في On a vu Habala, on a vu Napoli. Ouais, je crois pas qu'il était Nakala. Non, mais dans le texte, il y est, je crois. C'est pour ça, quand il y a un nouveau mot, vous ne connaissez pas, vous cherchez. Mm. Alors, bien. C'est un verbe, il faut connaître, bien sûr. Hein? Il faut connaître l'origine et tout, parce que c'est conjugué, il n'y a pas. Moi, je ne l'ai pas dans mon dictionnaire, je crois. Comme ça. As-safaru bisafinati yaqudu waqtan tawilan walakinahu riwayatun mumti'at. J'ai pas compris walakinahu. En fait, c'est walakinahu, ça veut dire c'est walakin. Non. Et puis il y a bien à quoi là, le où là, là au voyage. Non, voyage. Je ne veux pas qu'on pouvait mettre un voyage très rapide. عنوان وسائل السفر. وسائل وسائل c'est le genre de وسيلة. On a dit c'est quoi وسيلة? Moyen. Donc il y a un voyage, un transport. La كلمة جديدة. إنسان. إنسان معروف سلام لما. Hein? T'es sûr de ça? Je ne vois pas d'alif. Si, alif. Insan. Akadamun, c'est le jam de Qadam, c'est-à-dire pied. Akadamun, c'est le jam Qadam, qui veut dire pied. Akadamun. Zuhurun, le jam de Zah, qui veut dire le dos. Zuhurun, c'est le zah qui veut dire le dos. Hayouanat, à la jem hayouan qui veut dire animaux. Hayouan c'est animal, hayouanat c'est animaux. Hayouanat. Hayouanat. Un yak qui après le ham. On ne voit pas bien. Hein? Hein? On dira pas. Ouais, non, c'est deux, c'est un yak. Ta'aben, c'est la fatigue. C'est le mazal de ta'aben et de ta'abou. Ta'aben? Non. Je connaissais qu'il faut qu'on ta'ab. Je ne connais pas ta'ab. C'est le premier mot qu'on entend à ta bouche. Je ne sais pas qu'il faut être, je connaissais qu'il faut qu'on soit là. Tarb, je ne sais pas, tarb. Je ne sais pas si c'est une erreur. Il n'y a pas. Tarb, c'est pas malade. Non, c'est une fatigue. Ça peut être aussi malade, mais c'est la fatigue en général. Hadir, là, ce qui évolue, c'est le présent. Le temps actuel. À la base, c'est le ism fa'il de hadar yahduru, qui veut dire venir se présenter. Le sens voulu, le waqt al hadir, c'est le temps présent. Être présent, en fait, non, c'est pas être présent. Là, dans le texte, c'est le temps présent. Comment ça va venir? Taqaddam et taqaddamu. À la base, c'est s'avancer. Mais dans le texte, il veut dire quoi? Évoluer. C'est un autre, c'est faire avancer. Akhadha ya'khudhu, ça veut dire prendre.

Sahloun, facile. Majmoua ba, al-Mardi, c'est le passé. Al-Iqama, c'est la résidence, le séjour. Sa'b, ça veut dire difficile. Ta'akhara, c'est être en retard ou être retardé. T'es pas reculé dans ce sens. Aussi. Alors en arrière quoi. Mais quand tu fais les ronds dans le socle, tu leur dis ça, tu veux ta'akhara. Allez, ouais. Non. Et karkara aussi, non? Hein? Karkara. C'est marcher en arrière. Hein? Raha. Non, c'est j'ai appris dans le sens ça. Raha, c'est le repos. Raha. On l'a pris dans le début. Ouais. Et Kabir, grand. Hein? Non, plus de bête. طيب ثالثا يقول حتى مفرد كل كلمة من كلمات آتية donc donne le singulier de tous les مفردات ظهور maintenant في البيت كله في البيت في الدرس اللي je tout à la maison de toute façon je vais donner le singulier au début أقدام حيوانات ركاب وسائل بلاد donc c'est six mots vous le retrouvez dans le mufrad طيب رابعا اجب الاسئله الاتيه اولا ما وسائل السفر في بلادك quels sont les moyens de voyage dans ton pays ثانيا ايهما تفضل السفر أو الإقامة ولماذا؟ Donc lequel des deux préfères-tu entre le voyage et la résidence et pourquoi? Et parce qu'il faut faire voyager, parce qu'il faut faire rester sur place. ثالثا أيهما أكثر متعة السفر بالسفينة أو بالطائرة ولماذا؟ Donc il dit quel est le plus qui est le plus plaisant, le plus agréable? Le voyage en bateau ou en avion et pourquoi? Vas-y, jette l'avion, jette le bateau. Ou bien Badel et Safina, tu dis Seyara. Et la place d'Ayara, tu dis le vélo. Tu n'as pas de petit temps en vélo. Inch'Allah. Et ni en voiture quand tu es tout seul avec ta famille ou avec tes frères. Amal Safina et Tayra, tous les deux. Ouais, ça dépend où tu roules. Comment ça, ça dépend où tu roules? Ça dépend du secteur où tu roules. T'as des secteurs dans ta voiture, tu vois des choses. Que... Ouais, mais ça, de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Ouais. Je regarde devant toi, mon frère. C'est-à-dire que tu vas avoir des trucs. Ah, c'est où t'as la campagne, des lieux où il n'y a personne. Ou des heures où il n'y a pas grand monde. Abdel. Donc, remplace Safina par la voiture et Tayra par le vélo. Ouais, et Walimata, tu dis pourquoi? On coule le nos sabir fait courant satique, c'est-à-dire en fait recopie. Là, du coup, c'est faire déplacer, mais ça ne dit pas. Donc, tu ne veux dire pas comprendre de remettre, de réécrire le texte sur mon cahier. Et ça, je ne vérifie pas ce travail, c'est à vous de le faire de vous-même. Donc, des grands garçons, alhamdoulilah. Celui qui ne fait pas, ben, c'est lui qui a lui-même. Dommage, il perd de. Ou faire de l'écriture, de la lecture. Moi, je dis même que c'est par combat, tu vois, mais je dis même que c'est même pas suffisant. Ça. Ouais. Quand je dis ça, c'est un truc que je ne veux pas être derrière vous. Hein? À vous de faire, c'est même pas suffisant. Ouais, c'est minimum, tu vois. Mafou, madame? Mafou, madame? Non, non. Pas y'a. Faudra qu'il faudra. On apprend le hamdoulilah, l'alhamdoulilah.